Le journal d'internet sud-coréen Minzokilbo a écrit que le Parti pour la restitution et le bien-être a publié le 25 septembre un commentaire qui dénonce la bande de Bakune qui a causé la mort du paysan Peng Nam-gi. Le commentaire a dit que le pouvoir de Bakune a tué le paysan et exigé la démission de Bakune qui viole la démocratie et la vie de la population et qui cause la mort des citoyens.